allure, mort à la guerre, ayant senti trembler la terre au plus profond des entonnoirs. Morne squelette sans entrailles et revêtus de leur ferraille, crâne crevé de grands trous noirs, se sont levés fantômes blancs de la sape ou du cimetière en s'écriant d'un seul élan. Debout les morts de la dernière. De l'Isère aux Dardanelles, l'arme immense et fraternelle, des enlisés, des engloutis. Dans un bruit de marche macabre, bruit de tibia, bruit de sabre, d'un même pas sont tous partis et sont venus jusqu'à Paris en scandant d'un rythme en folie leur même chant. On nous trahit, on nous bafoue, on nous oublie. Et s'avançant dans les ténèbres, l'étrange armée au pas funèbre vint aux soldats dits l'inconnus. Arrêtant sa marche enragée, elle se fit grave et rangée, et les fantômes blancs et nus, au cri du ciel, mort en avant, souffles unis, duèrent la flamme, et leur voix clame aux survivants.